bonsoir. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, il est plus de 19h, donc depuis quelques instants déjà, vous êtes dans l'émission Mavrika, comme tous les vendredis soirs. Hein, donc restez avec nous, on est ensemble pour 3 heures de musique, déjà une demi-heure de passé, hein, parce que le temps passe très vite. On a déjà eu le temps d'écouter plusieurs artistes. On a écouté les No Blush avec Get Down, on a écouté Rosie Kinkela avec Les Embrouilles, le groupe Shaking Mates avec Rock and Roll. Et à l'instant, on vient d'écouter donc les Computer Kill People, un groupe de la région parisienne qui était venu il y a quelques années dans l'émission Mavrika. Donc aujourd'hui, bah il n'y a pas d'invité, donc je vais vous passer beaucoup de musique. Hein, de toute façon, priorité à la musique dans l'émission Mavrika ce soir. On va écouter beaucoup d'artistes qui sont venus dans l'émission ou qui doivent venir, hein, parce qu'il y en a certains qui sont programmés déjà. Donc on va encore faire quelques émissions avant les grandes vacances. Aujourd'hui, c'est la première émission de l'été. Donc profitez-en, allez sur votre terrasse, mettez la musique à fond. Les voisins vont adoré. En tout cas, on va écouter juste après un groupe qui était là il y a quelques semaines, c'est le groupe Turn Off, pour ceux qui aiment la bonne musique, avec des cuivres. Donc là, c'est un groupe qui fait principalement du ska et de la musique cuivrée en tout cas. Et on va écouter un morceau qui s'appelle James Carter. On est ensemble jusqu'à 22h, restez avec moi, c'est Albino at the Control. Cette émission numéro 512, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission, je serai au festival musique au fil de l'eau. Donc voilà, non, c'est son au fil de l'eau, c'est le nouveau festival de la Chapelle qui remplace Balade en musique, hein, vous savez. Donc il y aura plusieurs artistes qui vont défiler sur la grande scène place de la Loire le vendredi et le samedi. Donc il n'y aura pas d'émission, et si vous voulez, vous pouvez toujours aller nous rejoindre là-haut, ça nous fera toujours très plaisir. La semaine d'après, donc le 8 juillet, et il y aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un groupe que nous avons jamais reçu. En tout cas, moi j'ai déjà commencé à diffuser pas mal de musique. Je suis sûr que ça va vous plaire. On écoutera tout à l'heure un morceau. Il s'agit du groupe Drive to Amnesia. James Carter, il fait peur aux gangsters. On l'appelle James Carter.

motivé, qu'on connaît déjà la fin. Non, gamin, va pas croire que l'on n'y peut rien. Que le monde est ainsi fait, qu'on connaît déjà la fin. Je laisse réveiller toi, il n'est pas trop tard. Je laisse réveiller toi, il n'est pas trop tard. Je laisse réveiller toi, il n'est pas trop tard. Le monde fait l'enfant sur les quelques milliards. Je laisse réveiller toi, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Africa depuis 19h jusqu'à 22h, donc on a écouté depuis le début le groupe Nobloch avec Get Down, Rosicky qui est là avec Les Embrouilles, les Shaking Mates avec Rock and Roll, une reprise, une superbe reprise de bonne musique. C'est tiré de l'album In Rock We Trust, l'excellent album qu'il faut vous procurer à tous les coups. Voilà. On a écouté aussi Computer Kill People avec Omega Mal, Turn Off avec James Carter, Les Enfants de Panurge avec Ainsi va le monde, et encore un autre morceau, puisque je vous avais promis de le passer, donc Les Enfants de Panurge, dans cette émission. On a écouté deux morceaux, le suivant c'était Tutto va bene. Juste après c'était Tomia avec Royal, et actuellement de la musique électronique sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Ctrl Z avec Dark City. Voilà, on va revenir avec du rock'n'roll, on va écouter juste après le Stinger avec No Fade Away. Thank you. still make the air vibrate too. But what I can give you, what I can give you, it's not the spark, it's this surrounding air, illuminating in a glowing light, igniting this room. So why don't you spare me? Don't miss the rest we'll be right back. policies have prompted an emergency parliamentary session this afternoon. The violence on the streets has forced many people from their homes. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde. C'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. We'll be right back. un copain. Le groupe Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi ? Juste avant, c'était Drive to Amnesia, le groupe que nous allons recevoir dans la prochaine émission. Donc, ça sera pas la semaine prochaine, ça sera la semaine suivante, le 8 juillet. Donc, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Drive to Amnesia. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Better Life. Et encore avant, c'était Dirty Charlie, un groupe que nous avons reçu il y a quelque temps. Voilà, nous avions deux membres parmi le groupe au complet. Dirty Charlie avec un morceau, une reprise des Rolling Stones qui s'appelle Paint in Black. Encore avant, c'était Jekyll Wood qu'on aura l'occasion de voir au Son des Blés. Ça sera après l'été, à la rentrée. Il me semble que c'est au mois de septembre. On en parlera d'ici là. Et le morceau qu'on a écouté, c'est Just a Little More. Et on avait commencé cette série musicale avec les Stingers, Not Fade Away. On continue en musique. Le groupe Prisma, Rock Now. My life. I know the reason. So come on now and

rentrer naked. Le vigile du club vient de me réclamer sur un ton agacé. T'as ton passe, t'as ton masque, t'as ta carte, t'as ta place. T'as ton passe, t'as ton masque, t'as ta carte, t'as ta place. Bonne soirée en compagnie de Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika. Voilà, c'est présenté par Albino. On vient d'écouter un groupe de la région bordelaise. Il s'appelle Iva et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle O Marianne. Juste avant, c'était Yavanna avec Orion Lion. Voilà, Orion Lion, on va dire en anglais ou en français. Encore avant, c'était Étrange Chacal Express, un groupe qu'on devrait recevoir un de ces jours dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque c'est un groupe de la région centre. Donc, le morceau qu'on a écouté, c'est Tâton Passe. Encore avant, c'était les Uncle Bikers. Ils étaient chez nous il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a passé un super moment avec eux, et puis ils ont fait plusieurs concerts dans la région. N'hésitez pas à aller les voir, Uncle Bikers, avec le titre Never Come Back. Encore avant, un groupe aussi de la région centre. Hein, ils sont plutôt du côté de l'ouest d'Orléans, donc ça serait plutôt Blois ou Tours, je sais pas exactement. C'est le groupe Sharpers, donc avec un morceau qui s'appelle Good Time Together, et c'est un morceau qui a été enregistré en live. On avait écouté aussi La Jarrie avec On n'a pas le choix, hein, le groupe La Jarrie, un groupe qu'on aime beaucoup, un groupe de la région orléanaise, et puis ils sont d'Olivet. Et on a commencé cette série musicale avec Prisme A, avec Rock Now. On continue avec un artiste de la région que j'aimerais bien recevoir aussi parce qu'il y a beaucoup de talent et je sais que il joue beaucoup tout seul et il aimerait avoir un groupe. Il s'agit de Lyon Dejneves et le morceau qu'on va écouter s'appelle Des Blindés. Je vois tes traits plus que parfaits,

Je rêve d'un bateau qui voguerait sur l'eau pour seule destinée des contrées oubliées où le soleil couchant réchauffe le vent en caressant la voile sous des nuées d'étoiles. Sur la coque amarrée, des oiseaux colorés feraient de mes rêves un balai sans pareil. De la selle légère, ils frôleraient la mer sous le vent de leurs plumes, la mousse de l'écume, les cheveux emmêlés. Je marcherai du pied sur des plages désertes, là où nul ne s'arrête, allongé sur le pont, sans le moindre plafond. Je comblerai mes soeurs à goûter au bonheur. Je passerai le temps en vivant autrement. Mes souvenirs d'une arche pour unique bagage. Une étendue bleutée pour ligne d'horizon. J'aurai le ciel entier pour unique maison. Je rêve d'un bateau qui voguera sur l'eau, où seule destinée des contrées oubliées, où le soleil couchant réchauffera le vent en caressant la voile sous des nuées d'étoiles. Papa, papa, papa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pleurer. Je voudrais me perdre au

attaque bientôt la dernière heure de cette émission. Vous savez que l'émission Mavrika, c'est 3 heures de bonne musique. On a écouté on a écouté plein de bonne musique, hein, voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste sur la page Facebook de l'émission Mavrika. Je vous invite à aller voir justement tous les titres qu'on a diffusés dans cette émission. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. Il nous reste encore une heure. On vient d'écouter une des plus belles voix de la région orléanaise, de la région centre, de France, d'Europe, du monde peut-être. Anita Farmin, j'ai eu la chance de faire une émission avec elle, elle revient quand elle veut. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Il est tombé du ciel. Juste avant, c'était Max De Giovanni, il est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, c'est une captation qui a été faite ici dans les studios, hein. C'était l'émission numéro 495, une dernière fois, et c'est vrai qu'elle est, moi j'adore cette chanson-là. C'est une chanson que je me suis surpris à fredonner plusieurs fois, une dernière fois, donc Max De Giovanni. Et on a écouté aussi Elodie Chelot qui était venue dans les studios Radio Arc-en-Ciel nous présenter ce projet, et on a écouté un morceau qui s'appelle À ciel ouvert, et on avait commencé cette série musicale avec la musique électronique de Roraima, avec lequel on a fait une émission cette année. Le morceau s'appelle Press Play, et on va presser play justement pour continuer, et on va écouter un artiste, c'est Grandé, je pense que c'est comme ça que ça se dit, et le morceau qu'on va écouter, c'est Highway. My fears and angst away. Night, my becoming, still hoping for a day. sweet, sweet love. Sweet love, Red Daff sur Radio Arc-en-Ciel avec l'excellent nouvel album qui s'appelle Faune, et le morceau qu'on vient d'écouter ça s'appelle La Fille. Juste avant c'était Séronyme avec Sweet Love, et encore avant c'était Custom avec For Your Love. On va continuer avec un artiste qui est venu deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Munston. On va écouter un morceau qui s'appelle Burning Star. si vous avez une formation, un projet musical, vous avez envie de venir le présenter sur Radio Arc-en-Ciel, sur la Radio Arc-en-Ciel, sur Orléans 96.2 MHz. Vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. Donc il suffit de me contacter. Hein, la manière la plus simple, vous allez sur, si vous avez Facebook, hein, si vous avez un réseau social, c'est peut-être le plus employé. Donc vous allez sur Albino Mavrika, vous me contactez en privé, et puis on se calme une date et vous venez ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'adresse mail mavrika@live.fr et puis on verra ça. Donc la semaine prochaine, il y aura pas d'émission, donc Mavrika, et la suivante, le 8 juillet, nous aurons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le groupe Drive to Amnesia. On continue avec de la bonne musique. On a écouté pas mal de choses hein, depuis tout à l'heure. On a écouté les Red Daff avec la fille. À l'instant, c'était Manston Burning Star. Et puis maintenant, je vous laisse découvrir. Well, I heard about Philippine dance players, all of them neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogie, I know it's up. Tiens, si vous découvrez le nom de l'artiste, bah vous gagnez un CD, hein. Il n'y a pas de souci. Vous m'appelez au numéro de téléphone de Radio Arc-en-Ciel, qui est, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, j'avais pas le panneau devant moi. Donc le 02 38 43 48 00. Et vous me dites le nom de l'artiste qui chante, hein. C'est un groupe. Et vous gagnez un CD. Vous êtes vraiment impressionnant, et ben ça a été gagné. Big Yaks Explosion, c'était ça qu'il fallait trouver. Et je me disais, personne ne va jamais trouver ça. Et ben c'est Michel qui l'a gagné tout à l'heure. Et ben je suis vraiment content pour lui. Et ben il gagne un CD de Odéon, le groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le titre de cet album, c'est Résilience. Et le morceau justement de Big Yaks Explosion, c'était Take You for Feeder. J'espère que je l'ai bien dit. À l'instant, c'était donc Hell's Bells, la version acoustique des Lady Balls Breaker. Et puis maintenant, on va continuer avec de la musique qui envoie du lourd. Adrenaline Motors avec le morceau Adrenaline Motors. Idées jouées

Grandmother said you must be clean. Wash your body and your mind too. commencer le dressage, le lavage de cerveau. Des adultes très grands, très sages t'expliquent que Dieu est beau. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Avec un vrai super-héros. Et ils ont vraiment tous l'air d'y croire. Un mec qui marche sur l'eau. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, oh non. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, oh non. Le gars, il naît proprement sans rapport. Il transforme de l'eau. Enfin, il fait même revivre un mort. Il multiplie les pains. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, oh non. Par contre, le type, il meurt à la fin. Eh ouais. Ah bah non. Après, il revit. Ne pose pas de questions, le tout c'est un interdit. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Le groupe Barricade avec Je n'y crois pas, voilà, c'est son droit, hein, à la limite. Hein. Juste avant, c'était Los Tres Puntos, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un groupe espagnol, c'est un groupe de la région parisienne avec un morceau qui s'appelle La Bataille. Bruno Bauer avec Under the Searchlight. Et donc, on avait commencé cette série avec Els Trowels, avec la reprise donc de Something Must Change des Chili Dogs. On a écouté donc Barricade, voilà, ça s'est fait. Et on va se quitter avec un groupe qui était dans nos studios il y a quelques temps, c'est le groupe Odéon. D'ailleurs, Michel, n'oublie pas de venir chercher ton CD. Et justement, le morceau que je vous propose d'écouter, c'est La Nuit des Vagabonds. Voilà, ça sera le dernier morceau de cette émission numéro 512 de Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. On se donne pas rendez-vous la semaine prochaine puisque je serai pas là. Par contre, si vous voulez aller nous voir au festival Le Son de... Alors, c'est comment ? C'est Le Son au fil de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Son au fil de l'eau. Donc c'est un nouveau festival. C'est ce qui remplace Balade en musique, hein, sur la Chapelle Saint-Mémin. Rendez-vous le 8 juillet donc avec Drive to Amnesia. Et n'oubliez pas aussi la fête des Saints Populaires. Ça sera justement le lendemain et le surlendemain, donc le 9 juillet et le 10 juillet. Vous pouvez venir nous voir. Hein. Il y aura beaucoup d'animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Ça se passe parc de Ligne. Pérol à Fleury-les-Aubrais. Il y a beaucoup de groupes et puis vous n'êtes pas obligé d'être portugais. Hein, si vous aimez la musique portugaise en général, venez nous voir. En tout cas, il y aura Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, les rendez-vous sont pris. On va dire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. On se quitte avec Odéon, la nuit des vagabonds. Avoir écouté, rendez-vous donc dans 15 jours et puis passez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce qui est bon, voilà, c'est simple. Un petit coucou à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous ont envoyé un petit message sur le Facebook et ceux qui nous ont envoyé un petit message aussi par téléphone, hein, tout simplement. Vous pouvez aussi nous appeler pendant l'émission. Voilà, donc il y avait un petit coucou de Irène d'ailleurs, on va lui faire un petit coucou et puis à tous nos amis, un gros bisou, à très bientôt. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Sem a interferência da política. Agora, vamos ser claros, a saúde e a vida das mulheres nesta nação estão em risco. E Kamala Harris, a vice-presidente norte-americana, também já se pronunciou, disse que pela primeira vez um direito constitucional foi retirado ao povo americano, o direito à privacidade. Em pelo menos 25 estados norte-americanos, a maioria do sul e do centro-oeste, está tudo a postos para reimplementar a lei do aborto. Perto de 58% das mulheres norte-americanas em idade reprodutiva, cerca de 40 milhões, vive em estados que